Cette émission vous est présentée par Avatar, centre d'artistes spécialisé dans la recherche, la création et la diffusion d'art audio et électronique. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à cette nouvelle édition de La Croche-Oreille. C'est Gaétan Gosselin et Jean-Pierre Gay avec vous. Salut Gaétan. Salut Jean-Pierre. Alors, les portes sont... Le rideau est tombé, si on peut dire. Le rideau est tombé hier soir avec le spectacle de Rue d'Ingénierie, qui était précédé par une performance de Jocelyn Robert et René Gagnon. Et eux, précédés par le Bureau de l'APA, qui faisait une performance assez inusitée avec Chandelle, haut-parleur et haut-parleur souffleur de Chandelle, je vais dire ça comme ça. Et on a débuté la soirée avec la remise du prix Moi Multi 2016 à Émile Morin. Émile Morin. Alors, un pionnier de l'art multidisciplinaire à Québec, un cofondateur de Recto Verso et du Moi Multi. Ouais, tout à fait. Alors, belle soirée, belle fin de festival. Bien, on a une belle soirée aussi ce soir, Gaétan. On va recevoir une artiste... qu'on a eu l'occasion de voir dans le cadre du Moi Multi, qui est aussi en résidence à la Chambre Blanche, Sonia Passo-Roquia. Et on va écouter tout de suite, en commençant, on va se mettre dans l'ambiance avec une pièce de sa création et qui date de quelques années. Alors, on y va. Sonia Passo-Rocchia. On pourrait continuer comme ça encore pendant quelques minutes, mais malheureusement, pour les fins d'entrevue, on a entendu au complet le premier mouvement, mais là, on était dans le deuxième. Bonsoir. Bonsoir. Bienvenue chez nous. Ben oui. Alors, bienvenue à CKRL. Et écoute, ce qu'on vient d'entendre, ça s'appelle « Hommage à 32 bassons ». C'est hommage, puis c'est pour 32 bassons. Ah, c'est pour 32 bassons. Oui. OK. Alors, moi, j'avais compris hommage à 32 bassons, mais... Donc, c'est hommage à qui? Au basson. Au basson? je sais pas... dans le fond, j'avais une idée d'hommage à plusieurs choses. Mais essentiellement, c'est vraiment un hommage au timbre du basson. Mm-hmm. Puis il y a une espèce de... je sais pas, mettre le basson sur un piédestal, parce que ça arrive assez rarement, là. Oui. Et d'ailleurs, tu réussis assez bien, car dès le début, on voit le grain, on entend le grain du basson, on entend la richesse, je dirais le côté enveloppant de cet instrument. Tu sais, déjà, dès le départ, on est tout de suite envoûté par l'instrument, par sa sonorité. Je pense aussi, parce que c'est 32 bassons, pas pour rien, c'est parce que je mets les bassons autour du public. Là, ici, c'était une lecture où j'avais malheureusement pas 32 bassons, mais je pense qu'on a une bonne idée, même mm-hmm. si parfois je trouve que la balance n'est pas parfaite, mais il ne faut pas leur en vouloir, ils étaient que 15. Donc, c'est ça. Donc, je les faisais changer de partition dépendant des bouts pour essayer d'avoir une meilleure balance, mais... mais c'est ça, donc vu que les musiciens sont autour, on a vraiment ce manteau de mm-hmm. basson où mm-hmm. on nage dans une espèce de boue, de son. Mais je vais mettre boue comme... faut pas que ça sonne péjoratif, là, mais donc, espèce un traitement de boue, là. Oui, c'est ça, cette espèce de truc qui est sur nous, qui est chaud, mm-hmm. du timbre du basson que... tout son timbre, tous ses timbres. Donc, c'était la première pièce. Vous, Gaëtan? Sonia, je me demandais une question simple tout de même. Une question simple. Pourquoi le basson? Je joue du basson et j'en joue souvent avec du traitement en temps réel. Et ça m'est arrivé comme ça de dire « Ah oui, mais j'aimerais que ça soit plus vivant, mon traitement », puis d'arriver avec des idées. Et là, finalement, ce que j'ai fait, c'est enlever le traitement puis remplacer ça par des musiciens. Donc, de genre de choses, de genre de textures que je faisais par moi-même avec des répétitions, des choses comme ça. Donc, ça permet d'avoir quelque chose de beaucoup, beaucoup plus vivant. Dans les couleurs. C'est aussi une pièce qui est qui a un caractère éducatif parce que je suis consciente que 32 bassons professionnels, bonne chance. et les deux premiers mouvements, je les ai créés parce que c'est une pièce qui est pas finie d'après moi, qui va avoir beaucoup plus de mouvements, mais les deux premiers mouvements, je les ai créés dans un symposium à Angoulême de basson où j'ai réussi à avoir mm-hmm. tous mes bassonistes pour deux mouvements. D'en avoir 32. Ah oui, j'en avais même 34. Il y avait des partitions doublées. 7 ans à 83 ans, les bassinistes. Et c'est ça, donc j'ai des parties qui sont plus faciles que d'autres. Donc les défis sont différents dépendant des musiciens. Mais il y a aussi qu'un musicien qui est moins avancé, il y a un thème différent. C'est souvent un peu plus gras, moins fin, mais j'aime ça. J'aime ces différences de timbre. Et quand les... par exemple, j'ai des moments où il va y avoir une série de notes qui vont comme être passées d'un musicien à l'autre. Et ce qui est très beau, ou un accord qui roule, donc ils font une espèce de montée, mais tout le monde fait la même, donc on a l'impression comme auditeur que c'est un accord qui roule autour de nous. Mm-hmm. Et surtout si on est placé en demi-cercle en plus. Là. C'est pas un demi-cercle, c'est carrément un carré, carré. Okay. Autour de donc on a vraiment tout le tour. Là. Et ça fait que chaque cran qui tourne, le thème change parce que c'est pas les mêmes musiciens qui jouent la même note. Mm-hmm. Et je pense que ça fait aussi partie de la richesse du basson. Là, on était dans une œuvre qui était composée, tout ça. Vendredi soir, on a eu l'occasion d'assister à un autre volet de ton travail qui est la création en direct, qui est vraiment de la création sonore, où on n'est plus dans la musique, mais on est vraiment dans le travail sur toutes sortes d'outils. Et ça se passait donc à la Chambre Blanche, là où tu as eu une résidence. Cette résidence-là, cette pièce-là que tu as jouée vendredi soir, est-ce que c'était un peu comme l'aboutissement de ta résidence ou c'était quelque chose qui pourrait avoir été fait sans même la résidence? Ah, c'était une espèce de... j'ai voulu faire une performance avec la recherche que j'avais fait, même si la recherche de la résidence, pendant que j'étais... La recherche que j'ai fait en résidence, c'était pas pour une performance, c'était vraiment dans une idée de faire des installations. Donc, j'ai travaillé sur toutes sortes de choses. Et en travaillant sur la technique, la mécanique et puis les sons pour une installation future, je me suis dit, bon, je suis rendue là et j'aimerais faire quelque chose avec ça pour faire un genre de... une espèce de point à mm-hmm. la fin de la résidence. Donc, c'est là que j'ai décidé de faire une performance que j'ai préparée en peu de temps, mais pour... Oui, c'est ça, pour faire une finalité, là. Bâtissez votre harmonie. À vrai dire, là, on ne voit pas trop ce que je fais. Donc, ça, c'est le résultat d'une expérimentation que j'ai faite il y a plusieurs années. Plusieurs années. Donc, c'est des boîtes ou que ça soit en forme de cylindre ou... je sais pas, à peu près la grandeur d'une boîte de Kleenex. Mm-hmm. À l'intérieur, j'ai mis... une oui, mais c'est pas grave, faut pas le savoir. Dans le fond, ce que je fais, c'est que quand on change la boîte de position, on a un son différent. Et ce que je voulais faire là, c'est montrer que mon idée, c'est d'avoir plusieurs boîtes. Et j'avais fait un montage vidéo où on me voit faire une boîte, et puis on me voit faire une autre, puis on me voit me faire une autre boîte. Donc, tu aurais invité les gens qui auraient assisté à ta performance à manipuler les boîtes? Ça serait plus une installation. Une installation. Ou peut-être même éventuellement un atelier ou une idée de... Okay. De OK, on va... Mais d'autres pourraient manipuler ces boîtes-là? Surtout les autres. Les autres, les autres. Celle-là. Mm-hmm. Donc, oui, donc le montage que j'ai fait, on me voit jouer ces vidéos-là, et c'est assez drôle parce que c'est aussi quelque chose sur laquelle j'ai travaillé pendant ma résidence, où mm-hmm. j'ai travaillé sur des formes, ben, comme un genre de d'art web, mais assez... Bon, pas si complexe que ça, là, mais où finalement, je mets... 6 vidéos où je vais aller chercher mes pièces que j'ai déjà mm-hmm. j'ai déjà faites et je fais une espèce de montage qui est fait en JavaScript. Donc l'idée c'est d'aller coder d'aller chercher à partir de Vimeo des vidéos, je vais chercher des morceaux que je vais mettre en loop, mais tout ça est contrôlé, mais où il y a de l'aléatoire dedans, donc c'est jamais exactement la même chose. C'est ça. Donc ça, c'est une des recherches que j'ai fait pendant ma résidence. Ta résidence. Je vois que tu as apporté des instruments, mais je sais pas si on peut appeler ça des instruments, des accessoires ou des instruments. Moi, j'appelle ça des instruments. Ouais. Et c'est des instruments que tu as fabriqués ici, dans ta résidence? Non. Ou tu t'es... Non? Non, donc on sort encore de la résidence. À vrai dire... Parce que moi, je les ai vus. On pourrait revenir à la performance. Oui, j'ai performé avec vendredi eux. Soir, oui. Tu as performé avec ces deux instruments-là. Oui. Et c'était fort intéressant, les sons qui en sortaient. Peux-tu les décrire? Bon, ici, j'ai un flexatone. Un flexatone? Oui, c'est tout le monde en a un chez eux, bon, donc le reconnaître. Donc, à vrai dire, vu que pas tout le monde en a un chez eux, c'est un instrument de percussion qui est comme une lame de métal mm-hmm. Qu'on tient dans la main avec comme un... Donc, on tient dans la main, puis qu'on a un moyen de pouvoir la plier avec le pouce. Et il y a deux petites baguettes qui vont frapper dessus si on secoue. Et c'est vraiment le même système, la même idée. C'est en plus petit, là, mais c'est la même idée qu'une scie musicale. C'est mm-hmm. exactement la même forme, c'est la même physique du son. Puis il y a un petit grelot aussi. Il n'y a pas de grelot. Le petit morceau de bois. Oui, moi j'appelle ça des baguettes. Ah, c'est comme une baguette, des baguettes okay. sur un ressort. Okay. Un ressort métallique. Là. Alors je vais vous jouer de ça. Là. Il y a un petit son d'aiguine ou de... Oui, c'est ça. C'est ça. C'est le même instrument. Il est juste plus petit. On le tient dans la main. Sauf qu'il y a la petite percussion par-dessus. L'aiguine a un son plus proche du violon, si on peut dire. Alors que... Ben, il y a des gens qui jouent de l'aiguine avec une baguette. Ah oui? Oui. Bon. Donc, c'est vraiment... oui, et puis moi, je me suis amusée avec ça, avec un archet dessus. Mm-hmm. C'est bien aussi. C'est assez amusant. C'est avec d'ailleurs cet instrument-là que t'as rameuté les gens lors de ta performance pendant que les gens étaient un peu dispersés dans la salle, non pas la salle, mais dans l'entrée de la Chambre Blanche, t'es arrivé, puis là t'as joué de cet instrument-là et t'as regroupé tout le monde pour les amener dans la grande salle où t'as oui. fait ta performance. Oui, c'est une espèce de comme ramener finalement les gens un d'une façon. Un instrument d'appel. Oui, c'est appelé. Quelque chose de plus subtil que... Oui, c'est que ça. Une cloche. Une cloche, oui. Ben, non. C'est pas vraiment plus subtil qu'une cloche, mais c'est plus fin. Ça a permis aux gens de venir... Ah! Oui, de venir à la performance doucement, comme ça, un à la fois. Le Gaétan nous amène ailleurs. Oui. Thank you. Il y a de l'émotion, il y a comme du théâtre dans tes... Je fais le pont aussi avec Hommage à 32 bassons qu'on a entendu tout à l'heure, puis cette pièce-là. Il y a une sorte de théâtralité dans ces deux pièces sonores-là. Il y a comme beaucoup de grâce, il y a beaucoup de chaleur dans ce qu'on entend. Mais merci. Je trouve ça très agréable d'entendre ces deux œuvres-là. Il y a une théâtralité dans ces deux pièces-là qui est touchante. Tu sais, quand on est ici, habituellement, on entend des pièces qui sont pas vraiment mélodieuses, mais dans le cas de ces deux-là, c'est vraiment très touchant. Merci. Sonia, tu pourrais peut-être nous décrire, parce que sur ton site, on peut observer là, sur la vidéo il y a quelque chose de performatif dans le travail avec le cornet et puis les autres instruments avant. J'aimerais ça que tu nous en parles un peu. Dans cette pièce-là qui s'appelle Il tente, c'est une pièce pour cornet avec traitement en temps réel, puis il y a de l'improvisation à certains moments, d'autres c'est très, très écrit. Et il y a vraiment une... dans la partition, carrément, j'ai vraiment des presque... un livret théâtral là, où il dit, bon, faut aller à tel endroit. Il y a un genre d'horloge qui est dessiné au sol, illuminé, et le musicien doit aller d'une heure à l'autre en jouant différents mouvements. Et quand il va au centre, il peut ensuite comme se décrocher de l'horloge et improviser. Donc, c'est ça. Ça, c'est... En gros, le visuel que je vous invite à aller voir, parce que c'est difficile à expliquer. Mais donc, il y a une forme, c'est à la fois musical et théâtral, cette pièce-là. Oui. Ben, moi, je l'avais pas vu sur le site Internet. Là. Oui, ben, c'est un genre de... J'aime bien faire ça. C'est un genre de fil d'Ariane. Je trouve que ça aide l'auditeur à se placer dans mon histoire, si on veut. Je trouve que c'est important. J'aime bien les concerts qui sont plus performatifs. Bon, on sort quelque chose qu'on n'aura pas justement sur un CD. C'est autre chose. Là, on est en concert. On veut autre chose, un spectacle. Bon, ben, on va aller faire une petite pause, Gaëtan, puis on revient. Est-ce qu'on est rendu à la pause publicitaire? Oui. Alors, on s'en va en pause et au retour, ben, on continue l'entretien avec Sonia. Oui. Passo Rodka.

C'était d'un autre côté. Mm-hmm. Les musiciens se démenaient à la fin. On aurait dit qu'il y avait des abeilles autour. Il y en avait. non, c'est ça. Il y a des boîtes un peu comme mm-hmm. dans l'autre pièce qu'on a entendue oui. tout à l'heure. Là. Et puis les musiciens, chacun la leur. Là, on a entendu juste le début où la première allait bouger. Puis c'est les proportions d'une ruche. Et puis quand on la bouge, la chance de position, on entend qui est des sons d'abeilles plus graves. On va passer. Ça, c'était donc une autre pièce qui avait été. C'est une pièce qui avait été commandée par le Conseil des arts du Canada, cette pièce-là. Oui, c'est ça. Code d'accès, Conseil des arts du Canada pour Punctum, qui est l'ensemble qui l'a joué. Mmh. Bon, on va continuer avec un autre instrument que tu as apporté, et puis on voudrait pas l'oublier, parce qu'on l'a vu vendredi soir, nous qui avons les chanceux, qui avons eu l'occasion d'assister à cette perte. Bon, on a vu c'est comme un grand ressort, un slinky, si on peut l'appeler comme ça, là, ce qui déboulait les escaliers. Là. Oui. Oui, c'est ça. Donc, moi, j'appelle ça, j'en ai donné un nom, parce que j'en ai fait plusieurs des instruments comme ça. Mm-hmm. Donc, assez pour dire, bon, maintenant, il n'y a pas besoin d'un nom. Donc, ça, c'est un hélixophone. Et donc, au fond, ce que c'est un slinky avec un résonateur. Donc, si on met un slinky avec un résonateur, c'est un hélixophone. Mm-hmm. Donc, c'est un nom. Et c'est ce qu'on entend, là. Donc, on entend le mouvement du ressort, mais le petit squish-squish à la fin, c'est dû au résonnement sur la planchette de métal. Là. C'est ça. Donc, lui est différent des autres que j'ai fait. Donc, c'est la version 2. parce que j'en ai fait beaucoup, là, mais c'est tout un résonateur qui ne bouge pas. Mais lui, c'est un résonateur qui peut se tourner. Je ne sais pas si je vais y arriver, là. Mm-hmm. Donc, c'est ça. Donc, c'est inspiré un peu du flexaton. Qui était l'instrument précédent. Oui, qu'on a entendu tout à l'heure. Donc, le slinky, comme on a entendu, pas celui qui tourne, c'est j'ai fait une installation avec dans le passé avec des slinky qui étaient bougés par des automates. Et ça, je considère que c'est la première pièce d'une série. Et le travail que j'ai fait en résidence à la Chambre Blanche, c'est pour continuer dans ce sens-là. OK, c'est pour améliorer ce... Ben, c'est une série. J'ai beaucoup aimé la forme, l'idée d'avoir des instruments automates qui sont un peu placés un peu dans l'espace et on peut s'approcher, qui vont réagir à où on est. Donc, c'est une forme que j'aime bien. Et j'aimerais créer d'autres instruments automates qui pour avoir une plus grande palette de sons. Mm-hmm. Et c'est avec ces instruments que j'ai commencé à créer, à penser à des idées mécaniques, puis tout ça pour les faire que j'ai performé vendredi soir. Gaëtan? Sonia, il y a comme une grande variété, une grande diversité dans ta production sonore, musicale, et j'étais un peu curieux, comment se fait à quel moment se fait la bascule entre l'univers de la musique et puis l'univers des instruments inventés, de l'art sonore? Qu'est-ce qui est le déclencheur? Où ça vient naturellement? Ou comment ça se passe? C'est tout pareil. Non, c'est la même tête qui les fait. Je sais pas, c'est drôle parce que c'est comme... une collection. J'aime beaucoup élargir les collections de sons, d'aller faire la recherche dans les mmh. thèmes. Je le fais soit en inventant des instruments, soit en ayant de l'électronique, du traitement en temps réel, soit en trouvant des nouvelles techniques avec les instruments. Mais il y a toujours aussi une espèce de message, que ça soit émotif ou pas, ou... des histoires ou pas, ou en tout cas quelque chose que je veux passer, puis ça, je prends ce que j'ai dans ma autour de moi pour créer avec. Dans ton coffre d'outils. Oui, c'est ça. Beaucoup, beaucoup de recherches sur le timbre que je trouve vraiment, vraiment important. Thank you. Hitchcock ne te connaissait certainement pas parce qu'il t'aurait invité à faire une coupe de bande sonore de ses films. Quel était le titre de ça? Oh, j'ai appelé ça Bitter, mais c'est une improvisation pour avec accordéon puis un outil que je me suis fait pour improviser au basson avec traitement. Là, je l'ai utilisé avec l'accordéon. C'était ça, les petits cliquetis qu'on entendait à un moment donné, non? Non, ce que je veux dire par l'outil, c'est plus un outil sonore de traitement. Okay. Donc, j'ai des pédales, puis avec pression, dépendant de ce que je fais, j'ai un petit clavier, en tout cas. Donc, il y a un truc que donc, j'ai... Donc, c'est ce qu'on appelle avec traitement. Donc, ça, c'est le traitement que tu as réservé à l'accordéon, là. Oui, tout ça. Tu l'as traité avec d'autres organismes, si je peux dire. Ben, c'est informatique. Informatique, oui. Gaëtan? Oui, Sonia, il y a tout un pan de ton travail qui est en lien avec la bicyclette. Et il y a une pièce qui s'intitule, c'est une pièce ou en tout cas un thème qui s'intitule « Pédaler sous les nuages de Londres ». Alors ça faisait partie c'est un événement auquel tu as participé en particulier, oui. Ouais. Oui, j'y suis allée en vélo. Oui, parce que... Alors, raconte-nous, parce qu'on a, on a une pièce qui s'appelle « Going Away », qui est en lien. Qui est un peu en lien, oui. Ouais. Ouais. Vas-y. Donc, cette pièce à Londres, j'ai été en vélo jusqu'à l'endroit où j'allais jouer du vélo. Mm-hmm. J'ai retourné, je l'ai augmenté, disons, ou préparé. Traité. Et puis, finalement, ce qui était important pour moi, c'était qu'il soit utilisable. Mm-hmm. Donc, pouvais rouler, oui. Mais tu pouvais aussi jouer avec. Oui, parce que c'est sûr qu'il y a l'idée de démonter, puis c'est assez autre chose. Mm-hmm. Donc, j'avais utilisé ça. Et donc, c'est ça. Donc, c'est une pièce que j'avais fait, qui est assez écrite, celle-là. Et celle qu'on va faire jouer ici, elle n'est pas du tout écrite. C'est de l'improvisation. Et cette deuxième, c'est une improvisation que j'avais fait lors d'un événement à Chicago, par Internet, en tout cas. où j'ai « Bicycle for the Art ». Et j'ai joué du vélo avec du traitement lors de cet événement. Quand tu dis Bicycle for the Art, c'est un événement... Le nom qui s'appelait comme ça. Okay, c'est un événement qui... Et qui font que des... Ils utilisent le vélo comme le thème, puis okay. C'est un événement, je ne sais pas si c'est biannuel, où ils font un événement que le thème, c'est le vélo. Autour de l'idée du vélo, il y a des créations artistiques qui sont faites autour. C'est ça, dans tous les sens. Dans tous les sens, OK. Que ce soit en chanson, que ce soit en art visuel, quoi que ce soit. En chanson, je ne sais pas, là, mais... En musique, en tout cas, oui. Oui, en musique, en art sonore, visuel, je ne sais pas. OK. Je sais... J'étais pas présente. C'était... Moi, j'ai eu une invitation d'une performance... via l'Internet. Et tu avais déjà fait quelque chose autour du vélo avant pour que tu sois invité? T'avais oui, déjà c'est ça travaillé? La pièce que je parlais tout à l'heure. Ça, j'avais fait ça à Londres avant. Celle-là? Je l'ai joué quelques fois en Angleterre. Puis là, cette deuxième, c'était comme l'idée de reprendre un vélo. Mais là, j'avais envie d'avoir du traitement. J'ai fait du traitement. Puis j'ai refait ça quelques fois aussi. Après, même juste l'été passé en Ontario. Alors, on va l'écouter. Thank you. c'était vélo? Non, là, ben oui, c'est pour une pièce pour vélo. C'est une pièce pour vélo. Alors, il nous reste encore quelques minutes. On va aborder une pièce qui s'appelle Voix. Dont tu me disais, voilà. Mais on va remonter un petit peu en arrière. Je l'ai pas entendu, cette pièce-là. Il est question de quoi dans cette pièce-là? C'est de l'électro. C'est d'électro? Oh mon Dieu! C'était au cégep. Non, je sais pas si c'est première année d'université. OK. Donc, tu t'es amusé. On va l'écouter un peu. Un atelier d'expression vocale. Oui, un collage de voix. Un collage de voix. Oui. Alors, on va s'en aller vers une pièce qui va nous amener presque à la fin de l'émission, qui s'appelle, qui est au piano. Un piano, c'est piano? Piano final? C'est une vidéo que j'avais fait. Mm-hmm. Ça s'appelle « Ma jour d'hiver » parce que c'est une journée après du verglas où j'ai filmé. Donc, on est presque dans non, même... c'est mieux aujourd'hui, quand c'est même. Mais c'est pas très agréable, mais c'est très, très beau dans les arbres. J'avais filmé ça. Et j'ai mis de la musique dessus. Donc, une petite improvisation pour piano faux. C'est ça. Ben, on va quand même... il nous reste encore une bonne ou deux. Moi, Gaétan, tu voulais poser une question? Ouais, ben je voulais voir un peu avec Sonia, qu'est-ce qui s'en vient pour toi dans les prochaines semaines, prochains mois, là, en termes de vie artistique, je veux dire ça comme ça. J'ai une résidence en juin. À l'automne, j'ai plusieurs trucs. J'ai pas les dates sous la main, là, mais je vous conseille d'aller sur mon site internet si vous voulez vous tenir au courant de ce que je fais pour avoir les dates exactes. Qui est très à jour, parce que ton site annonçait ta présence à la Croche-Oreille ce soir. J'essaye. C'est pas facile. Non. Ben c'est ça. Donc, j'ai eu plusieurs présentations possibles à Montréal, en Ontario... probablement peut-être en France cette année là, donc il y a plusieurs trucs que ça va bouger là. Mais Sonia, c'est un grand plaisir de te recevoir, non seulement ici à la Croche-Oreille, mais aussi quand on dit te recevoir, parce que nous étions tous les deux, Gaétan et moi multi, c'est un grand plaisir de te croiser, moi multi, puis à la Chambre Blanche, et espérons que ça va aller pour le mieux pour toi, et on t'invite à revenir. Ben, merci de m'avoir invité. C'est un plaisir. Alors, on se laisse avec une dernière pièce de Sonia Pachorokia et qui s'intitule tout simplement Piano.